Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1983. Ce dimanche, c'est frisson. J'ai décidé de regarder le clip de 13 minutes de Michael Jackson qui a été diffusé hier soir chez Michel Drucker dans Champs-Élysées. Heureusement que les réseaux sociaux n'existent pas, sinon tout le monde m'aurait spoilé en postant la vidéo YouTube. Non ! Là, je dispose d'un bon vieux magnétoscope et d'un enregistrement du direct sur VHS. Thriller, c'est le titre de cet album, Michael Jackson, avec une réalisation de John Landis. Il n'a presque pas changé, Michel Drucker. Produit par Michael Jackson et Quincy Jones, excusez du peu, c'est un film qui est un film d'épouvante, un film d'humour, digne du festival du film fantastique d'Avoriaz. Ceux qui sont sensibles ferment les yeux, mais n'oubliez pas que c'est un film d'humour tout de même. Regardez, Thriller, Michael Jackson. Depuis des semaines, tout le monde parle de ce clip. Il aurait coûté $1 million. Presque un quart d'heure filmé en 35 mm par John Landis, le cinéaste qui est passé des Blues Brothers au Loup-garou de Londres. C'est Jackson lui-même qui a choisi Landis, et de ce que l'on sait, le clip de Thriller est effrayant. Le message d'introduction le laisse entendre. J'ai proposé à l'écrivain et académicien Marc Lambron de visionner la cassette avec moi. Ben, ce que je vois, c'est une sorte de séquelle de film d'horreur. C'est un sabbat, c'est une nuit de Valpurgis, et c'est un encastrement ou une succession de différentes mythologies déjà très inscrites dans la culture fantastique populaire, puisque au début, Michael Jackson apparaît comme un loup-garou, il se transforme, un lycanthrope. Et puis il y a une mise en abîme, on s'aperçoit que c'est un film. Dans une salle de projection, il est avec une jeune femme, noire. Il sort de cette salle, il commence à marcher. Et puis, au passage devant un cimetière, il y a soudain cette main qui sort comme ça de la terre fraîchement remuée. Et puis, peu à peu, on voit se lever des zombies. Et les zombies viennent faire balai autour de Michael Jackson, qui lui-même se zombise. Donc, qui se projette dans une autre encore incarnation de lui, incarnation ou désincarnation, on ne sait pas. Là, il y a une chorégraphie assez Broadway, on pourrait dire. Et puis, les zombies se retournent contre cette pauvre jeune femme qui est acculée, qui se réfugie dans un appentis de bois, qui est secouée. Et là, de nouveau rupture, elle se réveille sur un canapé. Et Michael Jackson est auprès d'elle. Il la console, il la réconforte. Mais dernière image, il se retourne vers nous, et là, il y a une lueur satanique qui apparaît dans ses yeux. Les yeux jaunes striés de noir de Michael Jackson nous regardent. C'est la dernière image avant le générique de ce chef-d'œuvre, qui n'est peut-être même plus un clip. C'est de l'art. Et Michael Jackson, qui est-il vraiment ? I'm not like other guys. Plus que le plus doué et le plus battu des enfants Jackson, plus que l'artiste disco et funky de son album Off the Wall, plus que son avatar toonesque façon Anna Barbera. Hello, this is Michael Jackson of the Jackson 5. C'est un chanteur mutant, assurément. Peut-être que Michael Jackson s'est bien transformé en monstre et que tout cela n'était pas qu'un film. It's only a movie. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 35 ans plus tard, c'est que si Thriller est un sacre, celui du roi de la pop et de sa reine, la télévision, c'est autant une cérémonie de triomphe que de déchéance. Jackson s'approprie Dracula, les White Zombies et le Heavy Metal. Il montre à la toute nouvelle chaîne MTV de quoi est capable ce chanteur noir dont on hésitait à montrer le clip de Billie Jean il n'y a pas si longtemps. Des artistes sympas, mais tous un peu palos. Le Jackson de Thriller invente une identité multiple qui échappe à la domination catégorielle. Ce qui est assez frappant chez lui, c'est qu'il fait exploser, qu'il le veuille ou non, des catégories anthropologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et il y a une telle démultiplication, une telle polymorphie, un tel tourment, tous les moyens de le projeter aussi. Et le clip de Thriller dit ça. C'est non seulement je suis un autre, mais je suis plusieurs autres. Mythologiquement, je suis un loup-garou, je suis un zombie, je suis un vampire. Donc il flirte à ce moment-là. Mais il flirte avec un clin d'œil, avec des formes démonologiques. Et plus tard, c'est quelqu'un qui va avoir à traiter réellement ses propres démons. On voit bien, et c'est ce qui fait sa modernité à mon avis, c'est qu'il est trans. C'est-à-dire, est-ce un enfant, est-ce un adulte? Il est toujours sur la lisière, il est toujours dans un indécidable. Est-ce que c'est un blanc, est-ce que c'est un noir? Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Finalement, il se reconfigure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut annoncer le transhumanisme. Donc il est dans cette indécision identitaire dont les clips, finalement, sont une preuve. Et dans le même temps, Michael Jackson s'enferme dans le petit écran. Et dans ce double de fiction, qu'il ne cesse de vouloir transformer. C'est-à-dire que c'est un empereur de la pop, et intérieurement, c'est un homme qui peu à peu est en train de devenir autre chose. C'est-à-dire une sorte de ruine psychique, traquée, automutilée, mutant, et quand même fortement sous substance. Il va devenir finalement une créature de science-fiction, une créature de série B, une sorte de monstre du lagon qui sort avec ses perruques, son nez refait, ses dépigmentations, une sorte de zombie final. En somme, si Thriller donnait naissance à une série aujourd'hui, ce serait bien moins les zombies de Walking Dead que les transhumanistes de Black Mirror. With the new memory grain implanted, you can...